le son mystère proposé par Félix Blum à toutes les auditrices et auditeurs qui doivent être très nombreux à nous écouter. Appelez-nous. Regroupés derrière les postes d'ordinateur, comme d'habitude. Exactement, des centaines. Ou sur vos vélos. Voilà. Donc appelez-nous à partir de tout de suite maintenant au 078 244 57 54. Vous pourrez gagner une place pour le concert de ce soir. Oh, bravo, oui, vous avez gagné le concert de ce soir que vous avez eu en pré-gagné d'avant, parce que c'est le recueil de miracles qu'on a pu entendre derrière les mots d'Emmanuel avant. Oui. Et dont vous avez entendu une courte présentation hier par les mots de Louis Schild, cette fois-ci, qui était notre invité mystère d'hier. Voilà, donc un son proposé par l'artiste sonore et ingénieur du son Félix Blum. Merci beaucoup pour cette participation d'ailleurs. Et donc, est-ce que quelqu'un, quelqu'une ici a une petite idée de ce que ça pourrait être, puisque personne n'appelle pour l'instant. Donc on peut... Oui, on a un délai de 30-40 secondes sur Internet. Peut-être, Manuel, est-ce que tu as une suggestion? Moi, la façon dont le son se manifeste me donne l'impression qu'on entend un animal, peut-être des oiseaux, mais... plus probablement des oiseaux que des mammifères d'ailleurs, parce qu'il y a un mouvement et ça a l'air d'être un oiseau qui s'éloigne, il y a un passage, mais je sais, ça peut être là vraiment je crois que c'est un oiseau que moi j'ai jamais entendu, donc est-ce que c'est par ici ou est-ce que c'est quelque chose d'exotique? C'est peut-être exotique, oui. Moi, je ne connais pas la réponse. Mais Parce que j'ai entendu des faisans qui avaient un peu ce type des faisans exotiques qui avaient ce type de... Mais là, c'est plus délicat. J'arrive pas trop à... Bon, il y a, en tout cas, pour les auditeurs, il y a des bons indices. Et toi, Jonathan, tu aurais une idée, vu que tu ne connais pas la réponse? J'ai pensé un peu à la même chose. Après, je connais Félix Blum, je connais son travail, donc j'imagine que ce n'est pas enregistré ici. Ça me fait voyager en Amazonie, mais peut-être je me trompe, c'est peut-être ça le jeu. J'ai pensé aussi à un faisan ou... J'ai même imaginé un dodo, mais j'en suis resté un peu là. Oui, c'est un enregistrement sur le terrain, c'est dans un espace naturel. Assez calme, apparemment. Assez calme, oui. Et peut-être même de nuit. Même de nuit, oui. Je voulais demander à Rudy qu'il nous dise combien d'auditoristes sont derrière leur poste, enfin, combien de postes sont allumés, plutôt. Avec le numéro IP aussi, et comme ça, on les localise. On est à 12. Allez, 12 personnes au minimum qui nous écoutent. C'est le 078 244 57 54. Appelez-nous. Appelez-nous. Bon, tous les jours, il y a quelqu'un qui a appelé. Ne laissez pas comme ça ce jour ici. Il y a un ticket pour le concert de ce soir qui promet... Le recueil des miracles. Le recueil des miracles. Donc, à la DC. Tout à fait, avec une promenade avant, de 19h jusqu'à 20h, et puis à 20h, ici, dans la grande salle. Bon. Est-ce qu'on donne le ticket à Emmanuel, peut-être? Là, je ne serai pas là ce soir, hein, c'est bien dommage, je reviens jeudi. Bon, ben, on va écouter, je pense, l'explication de Félix. Voilà. Bientôt, vous pouvez appeler après. Voilà. Bonjour Archi Radio et bonjour au Festival Archipel. Donc on vient d'entendre un son de coyote qui court dans la forêt pendant la nuit. C'est un son qui a été enregistré pendant une résidence en Floride en décembre dernier, il y a quelques mois de ça. Donc c'est une maison qui sert de lieu de résidence au milieu d'un parc naturel juste au-dessus du Cap Canaveral. Et donc on est en tant que résident, on est seul dans le parc et donc j'ai pu enregistrer pas mal de sons et puis parfois laisser aussi les micros enregistrer seuls sans que je les écoute. Et donc c'est ce qui s'est passé avec ces animaux qu'on entend courir et que j'ai donc dû demander aux différents rangers et gardes du parc pour qu'ils puissent me confirmer donc que ce sont bien des coyotes qui ne sont pas vraiment présents dans le parc mais qui apparemment le traversent en tout cas de manière ponctuelle. Voilà, donc c'était un groupe de coyotes qui courent dans la nuit en Floride.